Véhicules qui arrivent de droite sont concernés par ce « céder le passage ». Ils sont dans une voie d'accélération et doivent laisser passer les véhicules qui circulent sur la route qu'ils vont aborder. Je peux faciliter leur insertion, mais ce n'est pas une obligation. Et freiner dans ce cas serait une très mauvaise idée, à cause de la voiture qui me suit d'un peu près. Réponse B et D.